Je suis toute chaude ce soir. Salut les mecs. À 2 heures en un cri de souris, elle ne se lève pas de bonheur. Elle y a passé toute la nuit à dévoiler ses formes à des internautes avertis. C'est son virtuel désir, son truc à elle, son délire. Une fois sa cam allumée, elle se lance sur les sites, tous plus ou moins barrés, 3W.umexcite. Et les mecs n'en peuvent plus de l'avoir ainsi vécu. C'est son virtuel désir, son truc à elle, son délire. Une épaule qui se découvre, un sein qui se dévoile, et c'est la panique dans la foule. Tous les mecs crient à voile sur son chat, c'est complet. Sa boîte email explosée. C'est son virtuel désir, son truc à elle, son délire. L'orgasme en numérique, simulation digitale, ses mains parcourent sa plastique, au rythme des regards qui s'emballent, elle fait son striptease en binaire pour une trique planétaire. Sur des cercles libertins, elle se donne accessible même aux plus vilains qui voudraient bien approcher sa virtuelle réalité. C'est son virtuel désir, son truc à elle, son délire. Déjà 5h du mat, la fatigue se fait sentir. Les hommes se sont couchés près de leurs femmes, sans soupir, exhibition terminée. Le rideau est tiré. C'est son virtuel désir, son truc à elle, son délire.